Les frères Corses, chapitre 12. Mamma la vostra tristezza, amera tanta amarezza. Le jour même de mon arrivée, je me présentai chez M. Louis de Franqui. Il était sorti. Je laissai ma carte avec un petit mot qui lui annonçait que j'arrivais en droite ligne de Sulacaro et que j'étais chargé pour lui d'une lettre de M. Lucien, son frère. Je lui demandai son heure, ajoutant que j'avais pris l'engagement de lui remettre cette lettre à lui-même. Pour me conduire au cabinet de son maître, où je devais écrire ce billet, le domestique me fit successivement traverser la salle à manger et le salon. Je jetai les yeux autour de moi avec une curiosité que l'on doit comprendre, et je reconnus les mêmes goûts dont j'avais déjà eu un aperçu à Sulacaro. Seulement ces goûts étaient relevés de toute l'élégance parisienne. Monsieur Louis de Franqui me parut avoir un charmant logement de garçon. Le lendemain, comme je m'habillais, c'est-à-dire vers les 11 heures du matin, mon domestique m'annonça à son tour Monsieur de Franqui. J'ordonnai de le faire entrer au salon, de lui offrir les journaux et de lui annoncer que dans un instant, j'étais à ses ordres. En effet, 5 minutes après, j'entrais au salon. Au bruit que je fis, Monsieur de Franqui, qui par courtoisie sans doute s'était mis à lire un feuilleton de moi, qui, à cette époque, paraissait dans la presse, leva la tête. Je demeurai pétrifié de sa ressemblance avec son frère. Il se leva. « Monsieur, me dit-il, j'avais peine à croire à ma bonne fortune en lisant hier le petit billet que m'a remis mon domestique lorsque je suis rentré. Je lui ai fait répéter 20 fois votre signalement, afin de m'assurer qu'il était d'accord avec vos portraits. Enfin, ce matin, dans ma double impatience de vous remercier et d'avoir des nouvelles de ma famille, je me suis présenté chez vous sans trop consulter l'heure, ce qui me fait craindre d'avoir été peut-être bien matinal. « Pardon, lui répondis-je, si je ne réponds pas d'abord à votre gracieux compliment. Mais je vous l'avoue, monsieur, je vous regarde, et je me demande si c'est à monsieur Louis ou à monsieur Lucien de Franqui que j'ai l'honneur de parler. » « Oui, n'est-ce pas? La ressemblance est grande, ajouta-t-il en souriant. Et lorsque j'étais encore à Sulacaro, il n'y avait guère que mon frère et moi qui pussions ne pas nous y tromper. Cependant, s'il n'a pas depuis mon départ fait abjuration de ses habitudes corses, vous avez dû le voir constamment dans un costume qui met entre nous quelques différences. » « Et justement, repris-je, le hasard a fait que lorsque je l'ai quitté, il était, moins le pantalon blanc, qui n'est pas encore de mise à Paris, vêtu exactement comme vous l'êtes. Il en résulte que je n'ai pas même, pour séparer votre présence de son souvenir, cette différence de costume dont vous me parlez. Mais, continuai-je en tirant la lettre de mon portefeuille, je comprends que vous avez hâte d'avoir des nouvelles de votre famille. Prenez donc cette lettre que j'eusse laissée chez vous hier, si je n'eusse promis à Madame de Franqui de vous la remettre à vous-même. Et vous avez quitté tout le monde bien portant? Oui, mais dans l'inquiétude. Sur moi? Sur vous. Mais lisez cette lettre, je vous prie. Vous permettez? Comment donc? Monsieur de Franqui décacheta la lettre, tandis que je préparais des cigarettes. Cependant, je le suivais des yeux pendant que son regard parcourait rapidement l'épître fraternelle. De temps en temps, il souriait en murmurant « Ce cher Lucien, cette bonne mère, oui, oui, je comprends. » Je n'étais pas encore revenu de cette étrange ressemblance. Cependant, comme me l'avait dit Lucien, je remarquai plus de blancheur dans le teint et une prononciation plus nette de la langue française. « Eh bien, repris-je lorsqu'il l'eut fini, en lui présentant une cigarette qu'il alluma à la mienne. L'avez-vous vu? Comme je vous l'ai dit, votre famille était inquiète, et je vois avec bonheur que c'était à tort. « Non, me dit-il avec tristesse, pas tout à fait. Je n'ai point été malade, il est vrai, mais j'ai eu un chagrin, assez violent même, lequel, je vous l'avoue, s'augmentait encore de l'idée qu'en souffrant ici, je faisais là-bas souffrir mon frère. Monsieur Lucien m'avait déjà dit ce que vous me dites là, monsieur, mais véritablement, pour que je crusse qu'une chose aussi extraordinaire était la vérité, et non point une préoccupation de son esprit, il ne me fallait pas moins que la preuve que j'en ai en ce moment. Ainsi, vous-même êtes convaincu, monsieur, que le malaise qu'éprouvait là-bas votre frère dépendait de la souffrance que vous ressentiez ici ? Oui, monsieur, parfaitement. Alors, repris-je, comme votre réponse affirmative a pour résultat de m'intéresser doublement à ce qui vous arrive, permettez-moi de vous demander, par intérêt et non par curiosité, si le chagrin dont vous me parliez tout à l'heure est passé et si vous êtes en voie de consolation. Oh mon Dieu, vous le savez, monsieur, me dit-il, les douleurs les plus vives s'engourdissent avec le temps, et si aucun accident ne vient envenimer la plaie de mon cœur, eh bien, elle saignera encore quelque temps, puis, enfin, elle se cicatrisera. En attendant, recevez de nouveau tous mes remerciements et accordez-moi de temps en temps la permission de venir vous parler de Sulacaro. Avec le plus grand plaisir, lui dis-je. Mais pourquoi dans ce moment même ne continuons-nous pas une conversation qui m'est aussi agréable qu'à vous ? Tenez, voici mon domestique qui vient m'annoncer que le déjeuner est servi. Faites-moi le plaisir de manger une côtelette avec moi, et alors nous causerons tout à notre aise. Impossible, et à mon grand regret. J'ai reçu hier une lettre de Monsieur le garde des Sceaux qui me prie de passer aujourd'hui, à midi, au ministère de la Justice. Et vous comprenez bien que moi, pauvre petit avocat en herbe, je ne puis faire attendre un si grand personnage. Ah, mais c'est probablement pour l'affaire des Orlandi et des Colonna qu'il vous fait appeler. Je le présume, et comme mon frère me dit que la querelle est terminée, par-devant notaire, je puis vous en donner des nouvelles certaines. J'ai signé au contrat comme parrain d'Orlandi. En effet, mon frère me dit quelques mots de cela. Écoutez, me dit-il en tirant sa montre, il est midi moins quelques minutes. Je vais d'abord annoncer à monsieur le garde des Sceaux que mon frère a acquitté ma parole. Oh, religieusement, je vous en réponds. Ce cher Lucien, je savais bien que, quoique ce ne fût pas dans ses sentiments, il le ferait. Oui, et il faut lui en savoir gré, car je vous en réponds, la chose lui a coûté. Nous reparlerons de tout cela plus tard, car vous le comprenez bien, il y a un grand bonheur pour moi à revoir avec les yeux de la pensée évoqués par vous, ma mère, mon frère, mon pays. Ainsi, si vous voulez bien me dire votre heure, c'est assez difficile maintenant. Pendant les premiers jours qui vont suivre mon retour, je vais être quelque peu vagabond. Mais dites-moi vous-même où je puis vous trouver. Écoutez, me dit-il, c'est demain la mi-carême, n'est-ce pas ? Demain ? Oui. Eh bien, allez-vous au bal de l'opéra ? Oui et non. Oui, si vous me demandez cela pour m'y donner rendez-vous. Non, si je n'ai aucun intérêt à y aller. Il faut que j'y aille, moi. Je suis obligée d'y aller. Ah ah ! Fis-je en souriant. Je vois bien, comme vous le disiez tout à l'heure, que le temps engourdit les plus vives douleurs et que la plaie de votre cœur se cicatrisera. Vous vous trompez, car j'y vais probablement chercher de nouvelles angoisses. Alors n'y allez pas. Eh mon Dieu, fait-on ce qu'on veut dans ce monde? Je suis entraînée malgré moi. Je vais où la fatalité me pousse. Il vaudrait mieux que je n'y allasse pas, je le sais bien, et cependant, j'irai. Ainsi donc, demain à l'opéra? Oui. À quelle heure? À minuit et demi, si vous le voulez. Où cela? Au foyer. À 1 heure, j'ai rendez-vous devant la pendule. C'est convenu. Nous nous serrâmes la main et il sortit vivement. Midi était près de sonner. Quant à moi, j'occupais l'après-midi et toute la journée du lendemain à ces courses indispensables à un homme qui vient de faire un voyage de 18 mois. Et le soir, à 1:30, j'étais au rendez-vous. Louis se fit attendre quelque temps. Il avait suivi dans les corridors un masque qu'il avait cru reconnaître. mais le masque s'était perdu dans la foule et il n'avait pu le rejoindre. Je voulus parler de la Corse, mais Louis était trop distrait pour suivre un si grave sujet de conversation. Ses yeux étaient constamment fixés sur la pendule, et tout à coup, il me quitta en s'écriant « Ah, voilà mon bouquet de violettes !» Et il fendit la foule pour arriver jusqu'à une femme qui, effectivement, tenait un énorme bouquet de violettes à la main. Comme heureusement pour les promeneurs, il y avait au foyer des bouquets de toute espèce, je fus bientôt accosté moi-même par un bouquet de camélias qui voulut bien m'adresser ses félicitations sur mon heureux retour à Paris. Au bouquet de camélias succéda un bouquet de roses pompons, au bouquet de roses pompons, un bouquet d'héliotropes. Enfin, j'étais à mon cinquième bouquet lorsque je rencontrai D. « Ah, c'est vous, mon cher, » me dit-il. « Soyez le bienvenu, car vous arrivez à merveille. Nous soupons ce soir chez moi, avec un tel et un tel. » Il me nomma trois ou quatre de nos amis communs. « Et nous comptons sur vous. » « Mille fois merci, très cher, » répondis-je. « Mais malgré mon grand désir d'accepter votre invitation, je ne le puis, attendu que je suis déjà avec quelqu'un. » « Mais il me semble qu'il va sans dire que tout le monde aura le droit d'amener son quelqu'un. Il est parfaitement convenu qu'il y aura sur la table 6 carafes d'eau qui n'auront d'autre destination que de tenir les bouquets frais. »« Eh, cher ami, voilà ce qui vous trompe. Je n'ai pas de bouquet à mettre dans vos carafes. Je suis avec un ami. » »« Eh bien, mais vous savez le proverbe, les amis de nos amis. » C'est un jeune homme que vous ne connaissez pas. Eh bien, nous ferons connaissance. Je lui proposerai cette bonne fortune. Oui, et s'il refuse, amenez-le de force. Je ferai ce que je pourrai, je vous le promets. À quelle heure se met-on à table? À 3 heures, mais comme on y restera jusqu'à 6, vous avez de la marge. C'est bien. Un bouquet de myosotis qui peut-être avait entendu la dernière partie de notre conversation prit alors le bras de D et s'éloigna avec lui. Quelques instants après, je rencontrai Louis qui, selon toute probabilité, en avait fini avec son bouquet de violettes. Comme mon domino était doué d'un esprit assez médiocre, je l'envoyai intriguer un de mes amis et je repris le bras de Louis. « Eh bien, lui dis-je, avez-vous appris ce que vous vouliez savoir ?»« Oh mon Dieu, oui. Vous savez bien qu'en général, on ne nous dit au bal masqué que les choses qu'on devrait nous laisser ignorer. »« Mon pauvre ami, lui dis-je, pardon de vous appeler ainsi, mais il me semble que je vous connais depuis que je connais votre frère. Voyons, vous êtes malheureux, n'est-ce pas ? Qu'y a-t-il donc ?»« Oh mon Dieu, rien qui vaille la peine d'être redit. » Je vis qu'il voulait garder son secret, et je me tus. Nous fîmes 2 ou 3 tours en silence, moi, assez indifférent, car je n'attendais personne. Lui, l'œil toujours au guet, et examinant chaque domino qui passait à la portée de notre vue. « Tenez, lui dis-je, savez-vous ce que vous devriez faire ? » Il tressaillit comme un homme qu'on arrache à ses pensées. « Moi ? Non. Que dites-vous, pardon ? Je vous propose une distraction dont vous me paraissez avoir besoin. Laquelle ? Venez souper avec moi chez un ami. Oh non, par exemple, je serai un trop maussade convive. Bah, on dira des folies, et cela vous égayera. D'ailleurs, je ne suis pas invitée. C'est ce qui vous trompe, vous l'êtes. C'est fort gracieux à votre amphitryon, mais, parole d'honneur, je ne m'en sens pas digne. En ce moment, nous croisâmes D. Il paraissait fort occupé de son bouquet de myosotis. Cependant, il me vit. « Eh bien, me dit-il, c'est convenu, n'est-ce pas, à 3 heures ?»« Moins convenu que jamais, cher ami. Je ne puis pas être des vôtres. »« Allez au diable, alors !» Et il continua son chemin. « Quel est ce monsieur ?» me demanda Louis pour me dire visiblement quelque chose. « Mais c'est D, un de nos amis, garçon de beaucoup d'esprit, quoiqu'il soit gérant d'un de nos premiers journaux. « Monsieur D ? » s'écria Louis. « Monsieur D, vous le connaissez ? Sans doute. Je suis depuis 2 ou 3 ans en relation d'intérêt et surtout d'amitié avec lui. Serait-ce chez lui que vous deviez souper ce soir ? Justement. Alors c'était chez lui que vous m'offriez de me conduire ? Oui. En ce cas, c'est autre chose. J'accepte. Oh, j'accepte avec grand plaisir. À la bonne heure, ce n'est pas sans peine. Peut-être ne devrais-je pas y aller, reprit Louis en souriant avec tristesse. Mais vous savez ce que je vous disais avant-hier. On ne va pas où l'on devrait aller. On va où le destin vous pousse. Et la preuve, c'est que j'aurais mieux fait de ne pas venir ce soir ici. En ce moment, nous croisâmes de nouveau D. « Mon cher ami, lui dis-je, j'ai changé d'avis. Et vous êtes des nôtres ? Oui. Ah, bravo ! Cependant, je dois vous prévenir d'autre chose. De laquelle ? C'est que quiconque soupe avec nous ce soir doit y souper encore après-demain. Et en vertu de quelle loi ? En vertu d'un pari fait avec Château Renaud. Je sentis tressaillir vivement Louis, dont le bras était passé sous le mien. Je me retournai, mais, quoi qu'il fût, plus pâle qu'un instant auparavant, son visage était resté impassible. « Et quel est ce pari ? » demandai-je à D. « Oh, ce serait trop long à vous dire ici. Puis, il y a une personne intéressée dans ce pari, qui pourrait le lui faire perdre si elle en entendait parler. À merveille, à 3 heures, à 3 heures !» Nous nous séparâmes de nouveau. En passant devant la pendule, je jetai les yeux sur le cadran. Il était 2h35. Connaissez-vous ce monsieur de Château-Renaud ? Me demanda Louis avec une voix dont il essayait vainement de dissimuler l'émotion. De vue seulement, je l'ai rencontré parfois dans le monde. Alors ce n'est pas un de vos amis ? Ce n'est même pas une simple connaissance. Ah, tant mieux, me dit Louis. Pourquoi cela ? Pour rien. Mais vous-même, le connaissez-vous ? Indirectement. Malgré l'évasif de sa réponse, il me fut facile de voir qu'il y avait entre M. de Franqui et M. de Château-Renaud quelqu'une de ces relations mystérieuses dont une femme est le conducteur. Un sentiment instinctif me fit comprendre alors qu'il vaudrait mieux pour mon compagnon que nous rentrassions chacun chez nous. « Tenez, lui dis-je. « Monsieur de Franqui, voulez-vous en croire mon conseil ?»« En quoi ? Dites. N'allons pas souper chez D. »« À quel propos ? Ne nous attend-il pas ou plutôt ne lui avez-vous pas dit que vous lui ameniez un convive ?»« Si fait, ce n'est point pour cela. »« Et pourquoi alors ? Parce que je crois tout simplement qu'il vaut mieux que nous n'y allions pas. »« Mais enfin, vous avez une raison pour avoir changé d'avis. » Tout à l'heure, vous insistiez pour m'y conduire, presque malgré moi. Nous n'aurions qu'à rencontrer M. de Château-Renaud. Tant mieux, on le dit aimable, et je serais enchanté de faire avec lui plus ample connaissance. Eh bien, soit, repris-je. Allons-y donc, puisque vous le voulez. Nous descendîmes prendre nos paletots. D demeurait à 2 pas de l'opéra. Il faisait beau. Je pensais que le grand air calmerait toujours quelque peu l'esprit de mon compagnon. Je lui proposai d'aller à pied. Il accepta.